Mesdames et messieurs, accueillons le fakir bricoleur. Bonsoir. Aujourd'hui, moi faire maison oiseau. D'abord, coupez planche avec tête. Ensuite, cognez clou sur plan. Aïe, tabarnak!